Elle habite un château tout en haut du donjon, dans une chambre à petits carreaux où le lit sent bon. Elle rêve de fantômes, elle joue avec des gnomes, elle voit des oiseaux bleus se percher sur un avenir heureux. Elle attend le prince charmant qui revient de la guerre, couvert de poussière misère, les bras ballants. Elle prépare pour lui des chemises en fil de joie. Elle garde de l'eau de pluie pour tremper son corps si las. Elle s'habille en princesse lointaine. Elle relit les fables de la fontaine. La morale est sur les murs de ses espérances, bien sûr. Le temps lui est dur. De plein midi, dans le parc bien fleuri, elle pose sur les courants de l'air de tendres chimères. Elle parle avec les fleurs, elle leur ouvre son cœur, mais le vent passe et s'en va en emportant ses creux à l'estomac. Parfois dans la chapelle, elle allume une chandelle, elle dérange les anges du ciel par une douce prière. Et dans ses yeux fermés, une goutte fraîche et salée vient mouiller un tapis de tendresse. Mon Dieu, faites de ma solitude une messe. Elle s'habille en princesse lointaine. Elle relit les fables de la fontaine. La morale est sur les murs de ses espérances, bien sûr. Le temps lui est dur. Et puis un beau matin, en se mirant dans l'eau, elle pose un visage sur ses mots, un coup du vieux malin. Et soudain elle comprend la belle, que dans sa citadelle, la peur du lendemain est un poison. Le bonheur est au pied de sa maison. Elle s'habille en princesse lointaine. Elle relit les fables de la fontaine. La morale est sur les murs de ses espérances, bien sûr.